qui est le maître. Qui n'a pas sa taille à des kilomètres. Qui de ses ennuis peut renaître. Qui peut prétendre me connaître. Je peux pas suivre la tendance. Sachez qu'il est en avance. Mène le bal et toi tu danses. Pas qu'il fait de la résistance. Qui n'est pas ce qui est le maître. Qui n'a pas sa taille à des kilomètres. Qui de ses ennuis peut renaître. Qui peut prétendre me connaître. Je peux pas suivre la tendance. Sachez qu'il est en avance. Mène le bal et toi tu danses. Pas qu'il fait de la résistance. Je suis le MC qu'on reconnaît au premier. Je fais de la musique prohibée, appelle-moi hors la loi. Le seul qui garde la foi, j'ai la punch là qui fout droit. Celle qui revendique vos droits, je suis resté digne et droit. Je suis le seigneur des lettres, je suis inspiré par nos ancêtres. Je vis sur la terre des bêtes, je travaille sur ton intellect. Le seul qui est encore d'espoir, celui qui refait l'histoire. J'ai le flow qui, et c'est ainsi que je descends tous les bâtards. Y'a pas mon univers, mais je leur ferai à l'enfer. J'ai l'appétit de l'univers, car j'ai la maîtrise du verre. En la matière, je suis un expert en mission dans la terre-mère. J'ai le phrasé trop sévère, je t'envoie direct dans l'enfer. Ma rime est belle, ma rime est saine, gournée, ma rime est reine. Celle qui brûle Marine Le Pen, celle qui fait castagne des veines. Qu'on retrouve son corps dans la scène, me va sur le devant de la scène. La France est à la traîne, il est grand temps que je revienne. Qui est vaste, qui est le maître. Qui n'a pas sa paye à des kilomètres. Qui de ses ennuis peut renaître. Qui peut prétendre me connaître. Je peux pas suivre la tendance. Sachez qu'il est en avance. Mène le bal et toi tu danses. Pas qu'il fait de la résistance. Qui est vaste, qui est le maître. Qui n'a pas sa paye à des kilomètres. Qui de ses ennuis peut renaître. Qui peut prétendre me connaître. Je peux pas suivre la tendance. Sachez qu'il est en avance. Mène le bal et toi tu danses. Pas qu'il fait de la résistance. On est grand place pas mon gars. C'est devenu une poubelle. Les anges de la télé, moi je leur ai brûlé les ailes. Que des pantins dans la boîte, que des salopes comme Fauchel. Hypocrite et faux cul comme le sourire de Fauteuil. Y'a que des chanteurs morts où ça rame sur deux accords. Je reviens planter le décor, nique ta mère t'es pas hardcore. On sait tous que t'es inculte, tu n'écris que tes insultes. Ma masque va devenir culte, je te laisse dans ta science au cul. Donnez-moi ta qualité, fond et forme en quantité. Je ne peux que qualifier leurs pensées d'antiquité. Leur chaîne, je les ai quittées, comme l'a fait Kuta Kinte. Pour les broseurs enfermés, qu'attendent tous d'être acquittés. Quand est-ce qu'on stoppe les idiots? Quand est-ce qu'ils font leurs adieux? Arrêtez de faire l'audio, car vos sons sont trop odieux. C'est mauvais pour ton cardio et pour ton sourire radieux. Éteignez le radio, je suis un MC parmi les dieux. Qui est vaste, qui est le maître. Qui n'a pas sa paye à des kilomètres. Qui de ses ennuis peut renaître. Qui peut prétendre me connaître. Je peux pas suivre la tendance. Sachez qu'il est en avance. Mène le bal et toi tu danses. Pas qu'il fait de la résistance. Qui est vaste, qui est le maître. Qui n'a pas sa paye à des kilomètres. Qui de ses ennuis peut renaître. Qui peut prétendre me connaître. Je peux pas suivre la tendance. Sachez qu'il est en avance. Mène le bal.